Marche et écoute. La vision est pleine. C'est de tout entendre. H1000 vous propose de regarder la nature et la montagne avec vos oreilles. Durant 30 minutes, votre radio va déambuler par les chemins. Auditeur, auditrice, vous êtes bienvenue dans ces hautes forêts ariégeoises. Coup de froid, il fait moins 5 degrés, tout est figé dans le silence, dans la torpeur hivernale, et pourtant, je vous amène marcher sur ce sol de poudreuse. La neige glisse entre vos oreilles. Balade sonore pour s'évader. Le creux de l'hiver surgit dans vos oreilles. Léger saupoudrage. Quelques feuilles automnales. Émergent au-dessus du fin manteau de poudreuse. Soudain, le temps s'est arrêté. Cela évoque le Grand Nord. Cela évoque surtout la distance que l'on doit parfois prendre avec les choses, notamment matérielles. H1000, balade sonore. 1400 mètres d'altitude. ruisselait. Un filet d'eau se fraye un passage sous la glace. Et dans quelques petites résurgences à l'air libre. Immaculé par l'éclat de la blancheur. Le chant de Pyrène. Ainsi, comme vous pouvez l'entendre, une randonnée à qui sait l'écouter vous amène dans une multitude de facettes. Et parfois, je trouve que ces découvertes sonores sont tout aussi belles que la découverte d'un paysage. Pyrénées, Pyrène. Sur les contreforts. Des forêts et des parois. Thank you. fertilité de l'hiver. Le vent qui fait vibrer la ramure de cette branche complètement gelée. Un plateau intermédiaire situé à 1700 mètres. Le paysage est plus nordique, plus froid, plus givré. Évocation des grands espaces. Du silence calfeutré sous la couche de neige. S'asseoir. Les tiges des hautes herbes sont gelées. Cristaux de glace, merveille de la nature. Il doit faire, là je regarde un peu le thermomètre, mais il fait moins 6 quoi. Moins 6, un son frais, voire glacial, passe entre vos deux oreilles. Alors, on va juste aller un peu plus haut. Magique. Magnifique. Les épicéas, les sapins pectinés donnent à ce plateau et à cette végétation un air profond d'abandon. moins 7 degrés. Changement à nouveau de texture. Le vent a balayé ses croupes. La neige est glacée, tassée. Vous marchez sur le miroir imaginaire de votre liberté. Fragile. Il peut céder à tout moment. Mais c'est tellement beau que d'entendre de voir le miroir imaginaire de votre liberté. dans la forêt, on trouve souvent un abri, cabane, tout à fait accueillante. On peut y dormir, s'y restaurer, faire un feu de cheminée. Mais nous la laissons libre. Pour votre prochaine balade sonore pyrénéenne. Nous sommes redescendus à 1200-1300 mètres d'altitude, moins de vent, un tout petit peu plus de douceur, et je vous laisse ici, aux abords de cette cabane, à la parure hivernale. Entendre, sentir, ressentir la musique de la nature. Ressentir, entendre. La semaine prochaine, je viendrai donc vous rechercher pour une nouvelle édition du programme H1000 sur votre radio.